Salut à toutes et à tous, on va se marrer. Alors, on va se marrer. Attends, oui. Bob est pas là. Oui. Refais. Oui. Alors, salut à toutes et à tous, on va se marrer. Oui, alors Fred, en fait, vient de le dire, je voulais l'annoncer, mais donc ce soir, il nous en manque deux. Bob n'est pas là, et Maurice non plus. Bah ouais, on a fait la peau à ces deux vieilles connes, enfin dans Je crois qu'ils ont fini ensemble. Mais je sais pas, mais écoute, alors donc, on ne les a pas ni l'un ni l'autre, mais vous n'allez pas perdre au change, vous allez le voir, puisque nous avons de nouvelles voix dans cette émission qui viennent nous rendre visite ce soir. Il y en a une qui n'est pas très nouvelle. Hein. Non, alors à ma droite, première équipe, tout au fond, paire de claques qui connaît, c'est Michael. Bravo, Michael. Pas trop. Donc, Michael, tu as préparé des blagues comme ça. Oui, j'en ai un tas. J'ai regardé Question pour un champion pour les triviales et puis j'ai écouté Rire et chanson. Ah, bah c'est agréable. T'aurais mieux fait d'écouter les blagues de Maurice. Ah, mais je les ai sur le Facebook. Ah, bah oui, c'est vrai, sur le Facebook, il y a toutes les blagues de Maurice. Donc, un des amis de Maurice également, qui est un des supporters de Maurice. Une vieille grand-mère. Un de ceux qui lui fait. D'ailleurs, ce que Maurice peut te remercier, puisque grâce à toi, il connaît maintenant la couleur des schtroumpfs. Ah, bah oui, puisque. Vu le nombre de bleus qu'il a sur le corps suite à l'émission, c'est GG. Ah ouais. Ah bon, alors, on nous avait dit cette émission manque un peu d'un télo. Ah. Donc, on en a trouvé un. On en a cherché un. Hein. Pourquoi tu rigoles, GG? Parce qu'il paraît que c'était très loin. Hein. T'as mis combien? 3 heures pour venir? Oui, oui. Alors, on l'accueille ce soir pour la première fois. J'espère qu'il va passer une bonne soirée, on lui souhaite. Alors c'est Julien. Ah bonsoir. Bonsoir. Et je tiens à préciser que je fais Shabbat le lundi pour Maurice. Ah, bon, non, ben, Maurice écoute l'émission, attention, hein, faut pas trop dire de mal de lui, hein, sinon il viendra te chercher chez toi. Ah oui. C'est un intello à lunettes. Oui. En débardeur avec une cravate et un sourcil qui frise, dis donc. Eh ben oui. C'est incroyable. Et un scrubble au poignet. Un scrubble au poignet. Voilà. Oui, un scrubble. Bien sûr. Et un rendez-vous chez l'orthophoniste. Pour GG. Voilà. C'est normal, j'ai la place de Boris. Non, de Maurice. Oui. Pas de Boris. Eh ben, alors, face à eux, une deuxième équipe qui va faire. Qui va faire quoi? Fort ce soir, j'imagine. Mm-hmm. Puisque d'une part, nous avons le permanent de l'équipe. La teigne de l'émission. Oh, oh non. Oh, Frédéric Costa. Ah, bravo. Et ses excellentes imitations. Excellent. Il y aura ce soir deux flashs très spéciales. Eh ben, sio. Non, c'est la marque est déposée en tant que flash très spécial, donc on met un peu. Donc Frédéric, tout va bien? Ça va. Bon, une petite info spectacle? Pas du tout. Bon. Donc comment je ferme? Tu fermes ta gueule. Très bien. Merci Philippe. Donc, mais si, une info spectacle puisque tu vas nous présenter. Alors je dis quand même que l'émission est comme chaque semaine réalisée par Davy. Ah bah oui. Ah oui, Davy. Dix doigts de fée. Voilà. Et pas seulement à cause de la réalisation. Et donc, comme chaque semaine, Frédéric, tu nous as amené des invités. Alors, il y a un habitué qui est même déjà venu comme co-animateur. Oui. Il s'agit de Patrick Chanfray. Ah ! Bonsoir. Bonsoir, cher Patrick. Et je suis accompagné de mon compagnon de sel. Oui, parle dans le micro, c'est bien. Voilà, bon. Je suis accompagné de mon compagnon de sel. Sel. Voilà. Vous faites du cheval ensemble, donc. Plus ou moins. Cyril Rosic. Ah! Merci. Alors, Cyril. Cyril, qu'on va entendre tout de suite, qui est natif de Lille. Exactement, je viens de Lille. Ouais, mais Lille Sud. Oui. Lille du Sud, exactement. Voilà, Lille Sud. Voilà. Donc Cédric et Patrick, vous venez pas nous voir hasard. Cyril, pas Cédric. Ah, j'ai dit Cédric. Alors Cyril et Patrick, Cyril. Vous venez nous voir donc pas par hasard, vous venez nous voir parce que vous êtes dans une pièce de théâtre. Exactement, oui. Belle pièce. Ouais, une belle pièce. Qui s'appelle l'apéro presque parfait. Ah. Donc autant dire qu'on était prédestiné à jouer là-dedans. Hein, oui. C'est certain. Ça s'est vu de père en fils. On a continué à. C'est une belle pièce. Oui, c'est une belle pièce. Ah oui. Une belle oui. pièce. Ouais. On est que tous les deux ce soir, mais il y a une belle brochette. Ah. Un mot choisi. Comment s'appelle-t-elle déjà? En fait, les rôles sont doublés voire triplés pour les filles. Oui. Pour les filles. Tu veux dire qu'elles jouent en alternance? Exactement. Voilà. Oui. Donc Anaïs Monnier. Tout à fait. Sabrina Mortier. Exactement. Rémi Deval. Ah ben qu'on connaît. Voilà. Oui, Rémi Deval est une des trois filles qui tout joue. À fait. Voilà. Exactement. C'est Vanina Arias la troisième. Voilà. Vanina, voilà Arias. Clément Parmentier. Cyril qui est avec nous et Job Rami. Non, Job Brahim. Job Rami. Ah oui, c'est Job. Job Rami. Bah, c'est Joe pas mieux que moi. Hein. Autant pour vous. Remarque, après le Scrabble, on avait le Rami, pourquoi pas. Elle est excellente celle-là. Je suis en forme. Alors, Théâtre d'Edgar, c'est à Paris. Exactement. Tous les soirs. Tous les soirs, 7 jours sur 7, quasi 24 heures sur 24, ouais, c'est on vraiment... Et au Curly, on gagne bien, c'est tous les soirs à 20h15 exactement, et tous le les soirs samedi à 18h30 et 20h. À deux fois le samedi. Deux fois le samedi, voire bientôt trois comme fois. À la maison. Exactement. Trois fois le samedi bientôt. Ah ben bah c'est que les gens se marrent bien alors. Oui, ça marche super bien. Une bonne ambiance, une bonne équipe. Ouais, il y a une bonne équipe. Il y a une équipe de copains. C'est vraiment toutes les équipes sont. Et fondées. Alors ça parle de quoi? C'est quoi le pitch de la pièce? Alors exactement, en fait, c'est l'histoire de Grégory et Laurent, en fait, qui se sont pas vus depuis 5 ans. En fait, ils se connaissaient à l'époque au collège, au lycée, et ils se sont mariés tout ça et tout. Et en fait, ils se retrouvent pour passer l'un des apéros les plus corsés. Donc il invite à la maison, prendre un apéro, mais il y a une femme, il y a un hic, et les femmes, on sait tous que les femmes, voilà, que Charlotte. Ah. Et ah. Donc, exactement. Dommage que ce soir il n'y ait pas une fille pour un peu se. Et oui, mais non, Maurice n'a pas pu venir. On n'en a pas trouvé. Ils étaient tous les trois dans la même école, et Charlotte a un mauvais souvenir de lui parce que c'était vraiment le lourd de service qui demandait tout le temps des choses, il y avait tout le temps des problèmes. Voilà, et ça, c'est joué par Cyril. Ah. C'est marrant, je t'aurais plus vu dans ce rôle-là, moi. Oui. Donc c'est donc à Paris au Théâtre d'Edgar, vous avez j'imagine déjà envisagé une petite tournée ou peut-être même que c'est programmé, j'en sais rien. C'est en cours, ils sont en train de regarder ça, effectivement. Donc on a peut-être une chance de vous voir un peu partout en France, parce que on vous le rappelle quand même, on est écouté partout en France et tout le monde nous dit chaque fois sur le mur Facebook, et quand est-ce qu'on voit la pièce? Voilà. Notamment à Marseille. Parce qu'à Marseille, il y a des lieux sympas pour jouer. Exactement, j'en connais pas beaucoup parce que moi je débarque sur Paris depuis peu. Donc, mais t'étais à Marseille avant? Ouais, je suis à Marseille, mais j'étais pas très théâtral. Ah. Théâtre. Et qu'est-ce que tu faisais avant hein? Tu faisais pas non, de. Non, non mais je crois qu'il peut pas trop en parler à cause de la police. Voilà. Ah. D'accord. Bon. Voilà. Alors, vous allez voir que dans cette émission, il y a à boire et à manger. Oui. D'abord, servi par René, bien sûr. Exactement. Mais il y a plein de choses. Hein. Patrick Chanfray connaît par cœur. Donc, il y a, vous savez, il y a des questions, il y a des tournées de blagues, il y a des imitations de Frédéric Coster avec des excellents textes. Et des épreuves. Oui, cette émission est une épreuve. Voilà. La première, c'est le baptême de l'équipe adverse. Car oui, chers amis, réunis ce soir, vous formez deux équipes. Ah. Une et deux. Et pour que les téléspectateurs, les auditeurs... Ça rire à chaque fois, oui. J'en ai marre. Oui, parce que figure-toi... Car oui. Car oui. Hey. Car Philippe est le fils spirituel de Guilux. Eh bien oui. Hey Coco. Donc, pour que les auditeurs puissent suivre ce qui se passe sur cette antenne au fur et à mesure de la soirée, il faut donner des noms aux équipes. Regarde, l'œil vicieux. Mais j'ai rien dit. De toute façon, on va perdre. Créature. Je n'ai rien dit, GG. Les coiffeuses pour dames. Coiffeuses pour dames. C'est toujours mieux que les moumoutes pour hommes, cela dit. Alors, les moumoutes pour hommes, voilà. C'est parfait. Donc, les moumoutes pour hommes face aux coiffeuses pour dames. Voici la première question. Vous connaissez tous le fameux sculpteur Marcel Duchamp. Oui, le premier qui a la réponse, il le dit. Hein. Ah, oui, là, vous le connaissez tous. Et en fait, ce fameux... Un trône de chiottes. Bonne réponse de Valérie Coster. Allez, Custer. Hop, on non, je t'ai pas dit. Les deux, là, ils couchent ensemble, donc ils veulent donner la réponse avant. C'est même pas... J'ai même pas eu le temps de poser la question. En fait, que représente la sculpture fontaine de Marcel Duchamp, un point. Alors, je vais quand même reposer une autre question, parce que là, du coup, non, mais on a vraiment l'impression que j'ai triché. Quel créateur de mode a imaginé la robe du pape Jean-Paul II et celle des prêtres à l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse? Jean-Paul Gaultier. Exactement. Non, c'est Castelbajac. Oui. Bah dis pas oui, il fallait donner la réponse. Ah, Castelbajac. Oh là, mais oui, c'est mais c'est pas possible. C'est le mari de Maréva Galante. Hein. Oui, je sais plein de trucs qui servent à rien. Exactement. Julien et Cyril, vous n'êtes jamais venus, donc c'est votre première soirée. Et malheureusement, ce soir, Maurice n'est pas là. C'est notre dépucelage. Voilà, et habituellement, donc Maurice est là et nous déverse une petite blague. Le mot est choisi. Voilà. Nous déverse une petite blague généralement envoyée par un auditeur sur sa boîte e-mail. Mon cher Fred, j'ai 3 poussintes, j'en veux que 2. Qu'est-ce que je fais? Sur un bar. J'ai 3 poussins sur un bar. Oui, eh ben. Bah non, ah oui, ah oui, ah oui, j'ai trois poussins sur alors un bar. Alors refais-lui depuis le début, hein. Mon cher Fred, j'ai oui. trois poussins sur un bar. Oui. Qu'est-ce que, j'en veux que deux, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Et j'en jette un. Allez, on se la refait. Non, on se la refait pas. On la refait pas. On se la refait pas. Il faut faire comme l'autre. Il faut te jeter à la flotte depuis un porte-avions américain. C'est pas possible. Alors, je confirme quand même. T'as compris. Voilà. Oui, oui, oui. Pour nos deux nouveaux, je vous précise quand même que, évidemment, il ne le fait pas exprès. Bah oui. Sinon, ça serait pas drôle. On va voir si vous êtes capable de faire mieux que Maurice, puisque juste après cette pause, ça sera la première tournée de blagues. Allez, révisez, on revient avec une équipe très sympathique ce soir de Un apéro est presque parfait. Oui. À tout de suite. Retournons à se marrer avec Patrick Chanfray. Et Cyril Rosic de Marseille, ouais, qui viennent nous voir pour un apéro presque parfait, actuellement à l'affiche du Théâtre d'Edgar à Paris. Tout à fait. Maurice n'étant pas là, il va falloir quand même dire où est le Théâtre d'Edgar. Exactement, le métro. Et voilà. J'ai pas l'affiche. 58 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e. Paris 14e, donc métro Quinet ou Montparnasse. Edgar Quinet ou Montparnasse. C'est face à la tour de Montparnasse. C'est vraiment c'est dans le prolongement même de la Gaîté Montparnasse. Il y a deux, trois lignes qui se croisent. Enfin, c'est vachement accessible. Mais on m'a dit que votre pièce actuellement fait même de l'ombre à la tour Montparnasse. Exactement. Exactement. On a pris une telle hauteur. Mais c'est ça. C'est ça. Bah on va voir si vous allez faire aussi fort avec la première tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors c'est la caissière d'une grande surface qui replie le journal qu'elle vient d'acheter, puis elle le jette à la poubelle. Alors sa collègue s'étonne. Bah, t'as déjà tout lu ? Bah ouais, des formations professionnelles, c'est comme aux caisses rapides, pas plus de 10 articles. Ça commence. Alors moi j'aimerais quand même que vous découvriez les petites blagues mignonnes de Gégé. Oui, qui m'a demandé, parce que c'est un de mes standards. Mon frère, tant que je l'ai pas fait. Oh non. Mais elle a demandé. Oh non, pas celle-là. Oh non, Gégé. Oh non. Oh non. Oh non. Regardez ce faux derche. Faux que fait un homme qui a fini de brouter une chatte imberbe? Oh non. Oh non. Il lui remet sa couche. Oh non. J'applaudis pas, moi. Alors Julien, ta première blague. La première blague, on va essayer de pas bafouiller comme Maurice. En même temps, ça peut être facile si on n'a pas de cheveux sur la langue. T'as vu, il le connaît même pas. T'as vu comment il le démolit. Mais bien sûr que je le connais. Donc c'est un petit garçon qui rentre de l'école et qui dit à sa mère avant de faire ses devoirs: maman, maman, comment les bébés viennent au monde? Alors la mère, un petit peu embarrassée, qui veut pas trop parler de sexualité avec son bambin qui a 5 ans, lui répond: « Bah, écoute, mon chéri, ça vient avec les cigognes. » Alors le gamin, un petit peu surpris, réfléchit, il est là, il taraude, et puis il se pose une question, et puis il dit à sa mère: « Mais d'accord, mais alors qui baise les cigognes ?» Effectivement, c'est une autre classe quand tu même. Tu vois, la blague est racontée avec classe. Alors c'est toujours une saloperie quand même. Alors c'est un fermier qui fait du stop avec sa vache. Il y a la nouvelle Lamborghini qui s'arrête. Le gars, écoutez, vous allez où? Je vais à Clermont-Ferrand. Oui, je viens vous prendre. Mais la vache, on en fait quoi? Ah la vache, on la cloche derrière votre bagnole. Ah bah oui, d'accord, donc le mec il met dans sa voiture, il roule à 20 km/h tout doucement, et il va me dire: putain, vous savez pas conduire ou quoi? Foncez, appuyez un peu, appuyez. Mais attendez, et la vache, elle le suit, je vous dis. Alors il met un roule à 50 km/h, mais attendez, c'est pas la peine d'avoir une caisse de PD comme ça pour rouler à 50 km/h. Ah putain, avancez. Oui, mais et votre vache derrière? Je vous dis qu'elle le suit. Boum, il arrive 100 km/h. Appuyez, 150 km/h. Appuyez, je vous dis, appuyez, 100 km/h. Mais votre vache, je la vois dans le rétroviseur, votre vache, elle tire la langue. Ah elle la tire de quel côté? À droite. Oh la conne, elle va doubler. Je vous emmène en Belgique. Ah oui, c'est l'inspecteur de police, c'est l'inspecteur Ducrot, hein, qui fait passer... Il y a eu un délit, alors il fait passer un entretien d'embauche à trois blondes. Il leur fait grand test, le délit, hein, pour voir, pour dire, pour les embaucher, laquelle il va embaucher. Alors la première blonde, il dit... alors voilà, ça c'est un suspect, tu regardes bien sa photo pendant 30 secondes et puis tu me dis comment tu le reconnaîtrais dans la rue. Alors la fille regarde, elle fait « Ah oh, ben c'est facile, hein, il n'a qu'une oreille !» Ben, t'es con ou quoi? C'est normal qu'il ait qu'une oreille, il est de profil. Ah. Alors, il montre la photo à la deuxième. Alors, vas-y, toi, dis-moi un peu, comment tu le reconnaîtrais dans la rue? Oh, ben c'est facile, il a qu'un œil. Ben, elles sont plus connes l'une que l'autre, je viens de te dire qu'il est de profil. Alors, il montre la photo à la troisième. Bon, et toi, tu réfléchis bien avant de dire une connerie, hein. Comment tu le reconnaîtrais dans la rue? Alors, la fille, elle panique complètement, elle réfléchit, puis elle fait « Ah, je sais, c'est facile, c'est il porte des lentilles de contact. » Alors le policier n'était pas au courant de ça, il regarde dans le dossier. Ah oh bah oui, dis donc, mais c'est génial, mais comment t'as su qu'il portait des lentilles? Ah oh bah c'est facile, hein, avec un œil et une oreille, il pouvait pas porter de lunettes. J'ai compris. Toutes nos amitiés à nos amis belges. Patrick. Eh ben moi c'est deux potes qui discutent au bar et il y en a un qui dit ouais, je dois t'avouer quelque chose, ouais, j'ai jamais fait l'amour avec ma femme avant le mariage. Et toi? Il dit ah bah je sais pas comment qu'elle s'appelle. Bon, alors Cyril, hein. Alors Cyril, ben moi je vais vous faire une petite blague à la Laurent de l'apéro presque parfait. Alors qu'est-ce qui est jaune et qui attend? On ne sait pas. Vous savez pas? Ah non. Je donne la langue au chat. Oui. Jonathan. C'est un cousin de Charles. Ah oui, aussi. Alors réclamé de manière unanime, voici la fabuleuse blague des souris que personne ne connaît, voilà. Racontée par Maurice. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai retrouvé ma blague. Donc une auditrice. Non, c'est un auditeur de Serge de Dourdan. Ah, très belle ville. Ouais. Pourquoi les souris green? Mais non, mais non. Gris. Nini. Ah, oh putain, mais Lise qui est marquée, bon sang. C'est pas possible d'être bête à ce point-là. Il est bête à manger du foin, c'est pas possible. Il n'y a plus de foin. Il va nous mettre sur la paille. Moi, je pense qu'il fait exprès. Parce non, c'est pas possible. Alors, on en a parlé tout à l'heure. C'est un gâchis pour la science, parce qu'il quand même, il devrait être dans un laboratoire. Oui, remarque, il est bien préparé, il est déjà dans le formol. Bon, alors, vas-y, refais-la. Tu l'as refait, celle-là. Pourquoi les souris font nini? Mais non, pas font nini. Lise qui est marqué, bordel de merde. C'est pas possible. Oh non, mais c'est pas possible! Les souris ne font pas nini! Les souris font nini! Non mais. Mais tu sais pas lire, bon sang de bois! C'est marqué! Pourquoi les souris nini? Rini-ni! Non mais. Je couche, connasse! Rassurez-moi! Rassurez-moi, les micros sont pas branchés. Non. Là, en ce moment, on est en pause. On répète. On est en pause, là, oui. Alors, Boris, pourquoi les souris font nini? Mais non, pas elles font pas, elles font rien. Pourquoi les souris nini? Excusez-moi, mais elle est où? Alors, qu'est-ce qui est écrit? Non, il y a marqué « Pourquoi les souris nini ?» Pourquoi les souris nini ni? Non. Parce que les rats... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais appelez Hortefeux, faites quelque chose. Mais les souris ni. Non mais je te jure. Et ta sœur, ni, ta sœur. Et maintenant on écoute Maurice. Alors Maurice, la blague. Ah si, bah, ah, Maurice, si. La blague de Serge. Allez. La blague de Serge. Pourquoi les souris ni? Moi je me casse. Moi je me casse. Faites ce que vous voulez, je me casse, je vais réveillonner chez moi. Non, mais moi je me casse. Oui. Mais non. Il est marqué trois fois là-dedans. Oui. Non. Tu sors pas d'ici tant que tu l'as pas. Pourquoi les souris ni. Ah, oui. Voilà. Là, ça voilà. Pas, hein. Allez. Attends, il y a la réponse maintenant. Parce que les rats font. Mais non. Ah non. Il n'y a pas marqué fond. Parce que. Parce que les rats. Gna gna. Bon, alors pourquoi les souris gni gni? Parce que les rats gna gna. Ah là là, Scoop Maurice, quand même. Heureusement qu'on l'a, hein. Un GG. Ah bah ça nous repose pendant ce temps-là. Nous on se repose. Ah oui. On est tranquille. Bon, alors vous allez pouvoir vous calmer quelques instants, marquer une petite pause, et juste après vous vous intéresser à l'actualité, Patrick. Énormément. Oui, hein. Exactement. Bon, alors on a un flash très spécial, et ça c'est juste après la pause. Revenez avec nous. Retour, on va se marrer avec Patrick Chanfray, que ces dames connaissent, car il a déjà sévi dans l'émission. Sévi est le mot. Et Cyril Rosig, qui vient pour la première fois et qui vient pour ce soir un apéro presque parfait. Qui a écrit cette petite pièce? Jérémy Vuls. Exactement. Exactement. Tout à fait, ouais. Et mise en scène par... Par Samy Berry. Exactement. Voilà. Ouais. Ah, mais oui, ouais. Vous savez, donc vous jouez vraiment dans cette pièce. Oui, vous n'êtes pas des imposteurs, honnêtement, en train de me faire une caméra cachée. Plus ou moins. Plus ou moins. Enfin, ils viennent pour parler d'un apéro presque parfait, mais ils n'ont toujours pas payé leur tournée. Hein, non, ben ça peut pas tarder. Hein. C'est René qui met sa tournée. Il fait péter sa tournée, René, oui. Et alors, mais alors, pendant la pièce, vous picolez ou. Énormément. Énormément. Ah. Énormément. T'es qu'il a l'eau. Voilà, ouais. On boit pas tant que ça. C'est pour ça, moi, je me suis fait piéger aussi par le titre. Ah. Voilà, je me suis dit, c'est bon, je vais pouvoir assouvir mon alcoolisme. Et, parce qu'en fait, t'arrives à assouvir tes fantasmes dans les pièces. Parce que je sais que récemment, oui. T'avais joué dans la partouze. Tout à fait. Il était venu, non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, il était venu nous voir pour la pièce. Et il jouait le rôle de la voisine. Voilà. Donc deux fantasmes en même temps. Voilà, un rôle de décomposition. Et qu'est-ce que t'as fait de ta tenue au fait de ta pièce de la partouze? Je l'ai brûlé. Voilà, je l'ai donné à Fred. On ne boit pas, mais on mange beaucoup dans oui, la pièce. C'est vrai, ouais, parce que le... C'est vrai que t'as pris un peu, toi. Exactement. Ouais. On donne au public aussi. Hein, on donne au public. Ouais. Grégory est fan de Curly. Oui. Petit gâteau apéritif. Et Laurent aussi, c'est vraiment. Ils se rejoignent sur ce point. Et mais alors, est-ce qu'il y a des dérives un peu des soirs avec limite impro ou non? Ou c'est quand même très carré? Ouais, c'est carré, mais on laisse place vraiment beaucoup à l'improvisation. Ouais, exactement. On joue vraiment avec le public. Bon, on essaie pas d'en faire trop non plus, mais on joue vachement avec le public et le public. Mais c'est vrai, le côté de participatif. Oui. Interactif de qu'on n'a pas de souvent dans une pièce finalement, puisque c'est il y a vraiment le quatrième mur, c'est vraiment on regarde comment si on regardait vraiment la télé. Là le public participe et voilà. C'est très ségoléniste comme pièce. Exactement. Voilà, c'est la bravitude de la pièce. On se marre bien. Vous marrez bien. On se marre bien, le public aussi, et c'est vraiment quelque chose, on a l'impression que le public vient prendre l'apéro et qui sont tétanisés et qui eux peuvent pas parler, et bien heureusement, parce que il y a trop de choses à dire finalement. Et le public, voilà. Ouais, le public part de temps en temps, des fois ils se mettent en avant, ils montent sur scène de temps en temps pour aider le pauvre Laurent qui décède dans la pièce. Ah. Ouais. Faut pas tout raconter non plus. Non, faut plus, quand même non, laisser non, des non. surprises oui, pour voilà. que les spectateurs aillent voir donc le spectacle du théâtre d'Edgar. Tout à fait. Et donc comme dans l'émission, c'est un peu l'émission, on aurait pu l'appeler comme ça aussi, un apéro presque parfait, parce que là, donc tous les bruitages que vous entendez sont réalisés en direct par GG. Non, c'est bon, les micros étaient coupés. Ah bon. Donc je vous le demandais tout à l'heure, vous vous intéressez à l'actualité, et heureusement dans l'émission, nous avons une petite pause d'information avec un flash très spécial. Flash très spécial. Le célèbre hôtel de Marrakech, la Mamounia, vient d'être élu meilleur spa du monde. Alors nous avons la visite d'un client régulier de cet établissement, Jean-Pierre Elkabbach. Purée, c'est pas possible, c'est pas fini. On avait dit plus la Mamounia. Vous vous êtes ligué toutes les radios à vouloir absolument me faire passer pour un client fidèle de la Mamounia. C'est faux, c'est faux. Arrêtez. D'abord, quand je vais à Marrakech, je vais pas à la Mamounia. Ah bon? Et vous logez où?

C'était une blagounette. De toute façon, laisse tomber, c'est Montréal. Vous vous concertez pas? Non. Mais non, c'est Montréal. C'est Montréal. C'est une bonne réponse. Cocaïne, couche aérienne, co. Bon, c'est. Puisque c'est ça. Puisque c'est que ça. C'est un glavio. Puisque c'est ça, je propose une légère pause pour recharger les batteries. Oui. Et juste après. Enfin, vu ce qu'il y a en face, c'est pour recharger les accus plutôt. Enfin, bientôt, ça va s'appeler la main passe dans ta gueule. Menace, ah, mais d'habitude, c'est toi qui le dis. Ça. Oui, d'habitude, c'est plutôt moi qui le dis, mais. Désolé. Très bien, très bien. Voici. Ça va être une battle. Une petite pause et juste après, une tournée de blagues. Blague. Restez avec nous. Retour, on va se marrer. Avec une partie de l'équipe du spectacle, un apéro presque parfait. Une toute petite partie, effectivement, parce qu'on est, on est vraiment nombreux. Overbooké. On est nombreux. Et c'est aussi l'avantage de la pièce d'être nombreux comme ça. Comme ça, les gens, même s'ils veulent revenir une deuxième fois, ils n'auront peut-être pas la même personne. La même distribution. Exactement. Et puis, c'est l'avantage aussi, vous puissiez faire des tournées éventuellement, rester en même temps à Paris et en tournée. Il y a beaucoup de pièces qui font ça maintenant. Oui. Être à l'affiche un peu partout pour pouvoir présenter le spectacle à tout le monde. Tout à fait, Philippe. C'est très beau. Exactement, c'est magnifique. J'ai envie de chier, allez, putain. Mais alors, justement, pour parler de cette pièce, alors toi, Patrick, t'es qui alors dans la pièce? Alors, je suis Grégory, moi. Je suis en couple avec Charlotte. Oui. Voilà, on est installé, on a un petit enfant. Ça peut être de temps en temps Oscar ou César. Qui s'appelle maintenant César, on lui a changé de prénom. Et voilà, on est installé, on est tranquille. J'ai toujours été la bonne poire, Clément et moi, puisqu'on a le même rôle. On est doublure sur ce rôle. Et on a toujours été les bonnes poires, vraiment de. Le bon gars, quoi. De ce fameux. Prêt à rendre service. Ouais, super sympa, qui voit rien. Qui de ce fameux nice. Laurent qui était un peu le lourd de service et qui, justement, lui, profitait un petit peu de. Comment ça, lourd? Oui, enfin, on peut dire ça, Cyril. Ouais, merci. Oui, enfin, Glenn. Bah, je sais pas, mais il y en a un sur l'affiche toujours qui a la main dans le paquet de curly. Je sais pas. Ah, tu m'as fait peur aussi. Oui, je me dis quelle affiche il a eu. Oui, ça. Oui. Ça reste à base de cacahuètes, quoi qu'il arrive. Ouais. Vous êtes. Oui. Vous êtes sponsorisé ou pas? Non, du tout, du tout. Il faut réclamer quand même. On avait pensé en plus à un moment donné au début de la pièce. J'ai connu une autre pièce qui était sponsorisée par Chipster, mais bon. Ah oui, pensez. Et t'avais pas une de tes pièces qui avait été sponsorisée par Lotus, toi? Ah bah si, c'était la pièce où tout le monde se faisait chier. Pour bien se laver le cul. Ce qui est bien, c'est qu'avec Frédéric, il s'auto-flagelle. C'est-à-dire qu'il a jamais. Il attend pas que. Non, mais ma vengeance sera terrible. Ah! Oh non. Si. Ah non, mais c'est ce qu'on appelle un masochisme. Ah non. Oh non, je crains le pire. Mais moi aussi, j'ai des archives. Oh non, pas la tournée de blagues. Ah bah si, la tournée de blagues. Voilà. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Michael, il faut que tu fasses mieux que tout à l'heure. Ah oui. Ah mais là, elle va être très courte. Ah, bah, ça, on me l'avait dit. Ça, on savait. Je vais vous poser une question. Ah, attention, 10 secondes pour la raconter. Ouais. Quel est le point commun entre les huîtres et les hommes? Je sais pas. Gérard devrait savoir. Il faut en sucer beaucoup avant de trouver une perle. Oh C'est une blague que je dédicace à mon papa. Ah. Enfin, il adore les huîtres. Il adore les huîtres. D'accord. Oui. Bon, enfin, en même temps, si en faisant ça, tu trouves une perle. On ne sait jamais. Enfin, tu peux en trouver deux, cela dit. Oh. Ou du sable, tout dépend des régions. Il faut malaxer pour ne pas faire de grumeaux. Alors, dans les deux cas, il y en a certaines qui sont laiteuses. Hein. Je n'aime pas du tout la tournure que prend cette émission, Philippe Bello. Non. Alors, GG, une petite mignonne. Ah, vous êtes sexe quand même, c'est dégueulasse. En général, quand il dit ça, je m'attends au pire. Oui, moi aussi, la blague de Gérard sont inspirées de Brigitte. Dans un immeuble en feu, en Espagne, un enfant crie par la fenêtre. « Au secours, aidez-moi, je peux pas sortir !» La concierge aperçoit la scène, elle tend son tablier, elle crie au gamin. « Allez, vas-y, saute, saute, saute !» Le gamin saute, la bonne femme se recule et dit « Allez !» Ah non, cette mauvaise langue, vous avez vu, celle-là, elle était, c'était ouais, belle. Elle était mignonne. Ah oui, ah oui, ah oui. Elle est pas sale. Bah non. Alors, Julien. Une petite devinette par rapport à des personnalités publiques qu'on adore, enfin, je suppose. Est-ce que vous savez pourquoi Brigitte Bardot est contre l'affaire du petit Grégory? Non. Parce qu'elle voulait pas qu'on mette le corbeau en prison. Oh, oh. C'est très mignon. Ah, c'est très poétique. Alors, Gégé. Est-ce oui. que tu connais le point commun entre un élastique et un homme au réveil? Ils se tendent. Je crois, oui. Bah oui. Ça se tend. Bah, il s'étire et il pète. Oh. Ami de la poésie, bonsoir. C'est une blague que je dédicace aussi à mon papa. Ah, mais voilà. Voilà, qui adore les élastiques. Vous écoutez France Culture, il est 17h20. Nous allons maintenant avoir le prix Nobel de littérature. Oh, tu m'étonnes. Comment tu veux reprendre après ça? C'est un type qui est avec sa femme dans une banque. Il y a un type qui rentre pour faire un hold-up. Il met tout le monde en ligne et puis il prend le pognon. Puis au moment de partir, il dit à un type, « Dis donc, toi, tu m'as vu voler la banque ?» Le mec dit, « Ben oui. » Il lui tire une balle dans la tête. Tu fais bien. Non, je fais bien la balle. C'est avec un. Il y a un. Comment on appelle ça? Non, il y a un silencieux. Silencieux dessus. Mmh. Et. Pardon, excusez-moi. Je suis désolé. C'était pas dans la blague, ça. Donc, il lui tire une balle dans la tête. Et il passe au deuxième mec, il lui dit Et toi, tu m'as vu voler la banque? Et le mec, il dit Ah non, moi, j'ai rien vu, mais ma femme, elle a tout vu. Alors, la blague de Patrick Chanfray. Oui, alors qui ne reflète pas du tout l'humour de la pièce. Hein, je veux pas. je veux pas descendre. Non, mais alors, il faut quand même préciser à nos auditeurs ce soir. Habituellement, quand on a des one-man, etc., qui viennent, bah, ils oui. peuvent vous faire des petits extraits des spectacles. Là, comme c'est une pièce de théâtre, voilà. C'est compliqué. Et que c'est du mime, surtout. de faire un extrait. Voilà, effectivement. Donc, du coup, les invités sont condamnés à faire des tournées de blagues avec leurs meilleures blagues du répertoire. Voilà, bien fait pour eux. C'est plus une blague, voilà, c'est pour relever un petit peu le niveau et c'est, voilà, un truc un peu intellectuel que enfin, voilà. Je sais que tu en es capable. merci d'en convenir. C'est, et je la dédicace à Gégé. Voilà. C'est un petit garçon qui arrive dans la salle de bain un matin et il voit sa maman toute nue. Il dit ah là là maman, oh là, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi le truc que t'as entre les jambes? Sa maman, elle est un petit peu gênée, elle dit, bah, ça, c'est un coup de hache du bon Dieu. Il fait, oh là là, en plein dans la chatte. Une blague que je dédicace à mon père, qui était Luchon. Enfin, Jésus était charpentier. Tu lui en veux tant que ça. Alors, Cyril. Alors, moi, j'ai pas vraiment de blagues dans mon répertoire, donc j'ai pris vos bouquins et j'en ai vu une qui était super sympa. Ah. Alors, c'est une blonde qui a perdu sa montre dans la rue. Un passant qui remarque que la blonde cherche quelque chose veut lui venir en aide. vous avez perdu quelque chose? Oui, ma montre, lui répond la blonde. Savez-vous où vous l'avez perdue? Je sais pas, environ à 300 mètres d'ici. Mais pourquoi la cherchez-vous ici alors? Mais parce qu'elle marche encore. Alors, comme Fred tout à l'heure nous parlait de banque et de hold-up dans la banque, bien sûr, une des blagues fétiches de Maurice qui n'est pas là ce soir, c'est un fameux braquage de banque qu'il n'arrive jamais à nous raconter. J'en ai une dernière par Maurice. Alors, Maurice a une histoire à vous raconter. Une vache et un citron veulent braquer une banque. Ah, bravo, bravo. C'est pas sûr que je la réussisse. C'est pas grave. Maurice. Il nous reste Maurice, je vais pas te mettre un coup de stress, mais il nous reste 30 secondes d'émission. Allez. Le citron dit plus un geste et la vache retort. On ne bouge plus. Toujours pas. Toujours pas. Alors, il faut quand même dire que cet enregistrement date d'au moins 4 ans, je pense, au parce moins, que c'était dans un ancien studio et donc depuis, il n'a toujours pas réussi à la faire correctement. Non. Donc si vous connaissez un bon croque-mort. Non, un empailleur, on le mettra dans le coin du comme ça il sera toujours un peu avec nous. Bon, allez, juste après la pause, une autre épreuve les garçons. C'est vrai, il a un côté vieille chouette quand même. Ah ouais, quand tu mets dans l'eau, il boue. Oh, qu'est-ce qu'il prend? Non, plus depuis longtemps. Donc, juste après la pause, attention, épreuve du trivial. Ah, oh là attention, là, ça devient qu'on se le dise. T'imagines ce qu'on prend quand on n'est pas là. Oui, tout à fait. Ah bah nous, quand t'es pas là, on prend 10 000. Retour, on va se marrer avec l'équipe d'un apéro presque parfait. Ouais. Actuellement au théâtre d'Edgar. Est-ce que vous avez, les garçons, est-ce que vous avez fait une page Facebook ou un truc où on peut vous retrouver? Oui, il y a une page Facebook. C'est simple, c'est un apéro presque parfait. Donc c'est ça, on trouve la page, on fait j'aime. Voilà. J'aime. Comment on dit déjà? On dit on like. On like. On like. Ah, like. Donc si on veut vous voir, on like, like votre page. Voilà. Like. Il faut nous liker. Ah ben on va vous liker. Likez-moi. Likez-nous. Et pas liker parce que ça veut dire lécher en anglais. Ah exactement. Liker. Voilà. Ça c'est une toute autre page. Je donnerai moins de points ce soir. Il faut quand même garder le pouce en l'air. Oh. Et il en sort pas beaucoup, mais quand il vous en sort une, hein, vous la prenez. Hein. Oui, bah quand je la rentre aussi. Hein. On la prend. C'était une pastoche, c'était facile. Ça. Bien. Alors, j'ai tiré au hasard. Ah oui, bon. Ça fait des années que tu tires au hasard, mon profil. Oui. Deux cartes dans le boîtier du trivial. Et donc, il y a deux équipes, une carte par équipe. Six questions sur chaque carte. Le but du jeu étant de répondre au plus grand nombre de questions pour marquer le maximum de points. Ah, tu vas voir, Patrick, il a amélioré sa technique d'explication du jeu. Maintenant, c'est entre Guy Lux et Alain Decaux. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Tu vas voir. Il y a des choses. Vous pouvez vous concerter entre vous pour trouver une réponse. Mais si toutefois vous avez la réponse directe, vous dites cash et vous donnez la réponse. Et dans ces cas-là, ça fait marquer deux points à bien, votre ça. Équipe. Et dans c'est ces cas-là, Gérard vous frappe. Si tu te trompes. C'est vrai qu'il a un côté Pierre Belmar aussi. Ah aussi. Exactement. Ah, bah aussi. Ouais. Ouais. Voilà. Si une équipe échoue et ne répond pas correctement à la question, l'équipe adverse peut répondre à sa place et donc marquer le point. Hey Coco. Généralement, je fais choisir Bob. Ah oui. Bob étant absent, je vais faire choisir GG. Tu vas faire. Choisir. GG, la carte 1 ou la carte 2? La 1. Alors, GG, ouais. Julien et Mickaël, c'est votre carte. Alors. C'est parti. Quel pays porte le nom de Suomi? J'aurais pas pu choisir la 2. Alors, à mon avis, évidemment, c'est le nom du pays dans sa langue originale. Ça doit être en Asie. Le Suomi. Java, l'île de Java. Java ah, non. Oh, mais t'es nul, quoi. Alors, les moumoutes pour hommes, quel pays porte le nom de Suomi? Attends, on peut répondre en dansant ou pas? Oui, c'est sûr. Surtout en dansant. Deux secondes, on va se concerter. Alors, concertez-vous, mais dans les micros. Si c'est pas Java, on va dire Sumatra. Sumatra. Ouais. Sumatra. Sumatra. C'est en Asie, ça? Ouais. Alors, en Asie, voilà le continent, pas l'idéologie. En Asie, il y avait Goebbels, sinon. Hein, mais Sumatra. Alors, c'était la Finlande. Parce que les enfants... Java oui. et Sumatra sont du même pays, c'est-à-dire l'Indonésie. Alors là, je vais vous demander de vous remonter jusqu'en 1983. Allez, remonte-toi. Quel est l'album? Vous étions si jeunes. Quel est l'album? Donc, je vous demande le titre de l'album. Okay, oui. Champion toute catégorie des ventes en 1983. C'était ventes, le truc de Michael Jackson. History. Non, c'était pas le truc de Thriller. Thriller, ouais, c'est ça. Oui, c'est Thriller. Ça doit être ça, bien sûr. Donc vous me dites oui. Thriller. Thriller de Michael Jackson. C'est correct. Ah. Yes. Ah. Et donc vous avez pas dit cash. Hein. Idiot. On l'avait pas eu ce soir. Tant pis pour vous. Dans quel pays régna la dynastie des Rurik? Qu'est-ce que c'est que ces trucs à la con là encore? T'as encore choisi une bonne carte. Non mais t'as vu non, mais c'est toi qui l'as choisi. Je suis sûr que c'était carte soviétique là. Non, c'est bolchevique. Julien, vas-y. La Hongrie. La Hongrie avec un H. Non. Alors. Aucune idée. Qu'est-ce qu'ils en disent? On hésite entre tous. Ouais, on hésite entre 19 pays. On a compté. Pays, ouais. Mais... Moi, rien que pour les emmerder, je voudrais dire le Danemark, parce que si c'est la bonne réponse, ça serait beau. Ça m'arrête. Alors, moi, je change d'équipe la prochaine fois. Non, mais parce que si c'est ça, ça me ferait marrer. Le Danemark. Oui, le non, Danemark. C'était la Russie. Ah. Enfin, l'URSS, ah, certainement, à l'époque. Non, bah, l'UL, non, la Russie. Alors, une question d'art et littérature. Et là, GG est toujours très fort. D'art et littérature. Oui. C'est tout. De quel matériau c'est les abeilles c'est les qui écrivent. De quel matériau était faite la jambe artificielle du capitaine Ahab? Qui c'est celui-là? C'est un capitaine. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un ami de la colonelle? Exactement. Oui. Ce que je lui demande. Écoute, on en a parlé il y a 15 jours du capitaine Ahab. Ah bon? Mais moi, ça fait un mois que je suis pas venu chez toi. Eh ben voilà, c'est dommage. Je l'ai boycotté parce qu'on pouvait plus fumer. Salaud. Alors, le capitaine Ahab. C'est quoi? C'est la matière de son. De sa jambe. Ah, tu m'as fait peur. La matière de sa jambe artificielle. En bois. Alors, en bois, non. En bois de hêtre, peut-être. Non. Alors Frédéric, qui sait qui est le capitaine Ahab? C'est dans Moby Dick. Oui, c'est dans Moby Dick. C'est... Alors, en quoi? Non, compte sur toi, parce que là... En sel de mer. En paille, non? En paille? Mais non, pas en paille. En téflon? Mais non, dans Moby Dick. Dans Moby Dick. Ah bah, oui, mais j'aime ce... En plâtre, en plâtre, non? Pas en plâtre. Non, bah en ferraille, alors. Donc en ivoire. Ah! Alors, là, GG va trouver la réponse non, parce que je sais que. Ça, je sais. Elle était pas ronde, hein? Qui? La jambe. Parce que la jambe en ivoire est carrée. Oui. Oh là là! Alors, je te remets une étoile sur billet réduit. Tu peux y aller, spectacle fini. Que font. Que sont. GG, c'est pour toi, je sais que tu aimes ça. Que sont le. C'est une question de sexe. Écoute bien. Ça doit être cochon, oui. Le Star of Africa. Et le Cullinan 2. Voilà. Il y a Cash là-bas. Non, il n'y a pas Cash, mais... Bah si. Mais... Cash. C'est toi, Julien. Non, Crash. Alors Cash. On te disait Crash. Ça doit avoir un rapport avec les bateaux. Alors vas-y, dis Cash, tu sais. Oui, Cash. Bah Cash, des bateaux, des paquebots, des... Non. Non. C'est une réponse. C'est une réponse, frapper, c'est pas deux. Il dit rien. Ah, tu dis rien, c'est de la chance, Julien, putain. Non, mais... Alors, que sont le Star of Africa et le Cullinan 2? C'est des clubs de foot, non? Ah non, c'est quoi le... Pour répéter, pour c'est répéter. Science et Nature. Science et Nature, ah oui, non. Ah, bah oui, mais on n'avait pas eu la catégorie aussi, forcément. Et voilà. Et voilà. Ça nous a ennuyé dans l'erreur. Moi, je dirais que c'est des diamants. Alors, c'est correct. Quelle est la couleur de la ceinture d'un dixième dan au karaté? Oh là là. Deux réponses possibles. C'est noir ou marron. Noir ou marron. Bah noir ou marron, nickel. J'aurais dit la même chose. Bon bah alors voilà, noir ou marron. Donc c'est pas noir ou marron, mais comme il y a une des deux qui est bonne, c'est noir. Très bien. C'est noir ou rouge. C'est un point pour nous de toute façon. Marqué. Bravo. Sans aucune contestation. Ah non, parce que c'était même bien mérité. Alors pour l'instant, je dois vous dire quand même que donc les coiffeuses pour dames, vous avez deux points. C'est trop généreux, Philippe. Et 4 pour les moumoutes pour hommes. Ah, tu vois, ils n'ont pas encore joué. Ah mais attention, ils n'ont pas encore eu leur carte. Tout n'est pas gagné. Enfin, tout n'est pas perdu non plus. Mais exactement, oui. Donc on met un petit peu de musique et juste oui. Ah, tu veux que je chante? Non, on va mettre un disque à la limite. Ah, et puis alors juste après, c'est votre carte. Ah, enfin. Attention, on ne bouse plus. Retour d'On va se marrer avec Patrick Chanfray et Cyril Rosier. Salut Patrick. Salut Cyril. Salut ma poule, ça va? Qui viennent nous voir à l'occasion de leur spectacle, un apéro presque parfait. Tout à fait. Pourquoi il y a marqué Asocial After Work? C'est pour la publicité pour Facebook, je pense. Tout à fait, ouais, c'est ça. C'était pour faire le petit rapprochement avec Facebook. Parce que c'est Facebook. Ah oui, c'est grâce à Facebook. Parce qu'en fait, c'est grâce à Facebook. On a chatché sur Facebook. Voilà. Ah, c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés? Ouais, exactement. Pas qu'on s'est rencontrés, mais que les deux personnages se dans le spectacle. En fait, tout simplement, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas vus. Grâce à Facebook, j'ai ajouté un ami. Voilà, exactement. On s'est rajouté un ami et de là on a discuté et tout et il m'a proposé de prendre l'apéro. Super sympa ce Grégory. Ah putain, saloperie. J'ai rien ramené, hein, j'ai pas amené 5 ans, j'ai rien ramené. Ouais, c'est vrai, j'ai rien ramené. C'est vrai, bah, c'est le même, il a pas changé du tout. Le personnage de Laurent, il a pas changé du tout depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Et c'est resté le même. Le loser. Qui. Oh, ça va quand même. Enfin, on dira ce qu'on voudra, quoi. Alors sur l'affiche, parce que là moi j'ai l'affiche donc avec le flyer. Exactement. J'ai l'impression que la petite nana elle fait un peu la gueule. Elle fait la gueule parce qu'elle elle a un souvenir de Laurent qui est pathétique, qui est presque. Ouais, j'en souffre tous les soirs quoi. Voilà, c'est ça. Mais parce que moi je l'adore, c'est mon pote. Voilà, c'est mon poteau, je l'adore, j'essaye de le faire accepter à ma femme en disant allez s'il te plaît, c'est quand même mon super ami et elle en peut plus avant qu'il arrive et quand il arrive, c'est pire. Alors la suite, c'est au Théâtre d'Edgar à Paris, à côté de la Tour Montparnasse. Exactement. Et puis bien sûr, vous les demandez donc sur Facebook, un apéro presque parfait. Vous likez la page pour savoir dès qu'il y aura des dates en province. Exactement. Et puis alors les salles qui nous écoutent, puisqu'on sait qu'il y en a pas mal qui nous écoutent. Bien sûr, si vous voulez accueillir le spectacle, c'est pareil. Hein, vous n'hésitez pas à les contacter. Exactement. Ils sont prêts à venir, même à Marseille. Même à Marseille. Carrément, on peut venir dans toute la France. Ah ouais, on peut. On vise l'Europe. Et même dans le sud de Lille. Même dans le sud de Lille. Exactement. Lille et Marseille ont fait l'étranger. Enfin, il n'y a pas de souci. Alors là, il va pas falloir rigoler puisque maintenant c'est votre carte. Ah. Ouh là là, ça c'est attention, sérieux. Les moumoudes pour hommes, là, il faut pas lâcher la main. GG, reste avec nous. Ah non, GG, là pour l'instant, lui, il a rien à dire. C'était à vous de répondre. Ah non, GG, je préviens quand même. Je rappelle quand même aux auditeurs qui nous écoutent que donc là, il y a des témoins dans la salle. Ah, y a des j'ai bien sûr tiré au hasard. Il y a des auditeurs qui nous écoutent. Et des téléspectateurs qui nous regardent. Ah, merde. Et il y en a qui payent. Et donc, la deuxième carte est une carte, c'est donc celle que GG a refusée. Je le précise, c'est important, GG, que les gens sachent que tu attends, as refusé. Moi, je finis ma conversation parce que c'est bientôt Noël et on pourrait acheter une dinde, tu comprends, si on paye un petit peu. Bah oui, Maurice va bien revenir. Tu pourras pas la manger, GG, c'est le cannibalisme, dinde, c'est interdit. Et puis en général, la dinde est fourrée au marron. Oui, mais avec Maurice, on a tellement envie de le frapper que c'est plutôt à la châtaigne. Alors, voici votre carte. Oui, ben on t'attend. Écoutez attentivement les questions, elles sont très importantes. Oui. Quelle est la capitale de l'Indonésie? Paris. Oh non. Oh, bah, c'est Siomi. Oh, c'est Siomi. GG, tu restes là. Salope. Fumier. Mais. Tu témoignes que c'est bien la question qui est imprimée, hein, quand même. Que je regarde les autres réponses. Tu es une morue, Philippe Bello. Je pense qu'on a la bonne réponse. Quelqu'un dit cash? Moi, je dis cash pour toi. On dit cash, bien sûr. Alors cash. Avant, vous d'une demi-heure, tu peux dire cash. Ah non, mais c'est toi qui dis cash, c'est pas moi. je dis pas la réponse. Attention, je dis cash, moi. C'est chacun son rôle. Ah non, vas-y. Non, bah Jakarta. C'est correct. Non, justement, ça a changé. C'est la Garenne Colombe. Ils ont délocalisé. Alors, deuxième hurlement de GG. Oui. Qui était le maître de Rintintin? Oh. Ah non, il n'y a pas. Non, il ne sait pas. Alors. Cash, Rusty. Correct. Merci, Fred. Troisième hurlement de GG. Quelle est l'origine? Enfin, fallait le dire que pour répondre aux questions, fallait être né en 1945. Hein. Bah attends, lui il est né en 29, il les connaît pas les réponses. Il faut surtout coucher. Quelle est l'origine de la fortune de Marcel Dassault? Ah. Ah. Un moment d'hésitation avec les mecs. C'est les étalages, parce qu'on prend les étalages Dassault en général. Fred, t'es là? Alors, oui, on vous écoute. C'est les chats. C'est. Richard Dassault. L'origine de la fortune de Marcel Dassault. Mmh. D'accord. Énormément d'économies pour sa première communion. Alors, ça c'est la. Il en a gobé des choses. Non, ça, c'est l'État français qui l'a fait avec lui depuis. Alors, une réponse. Merde, je sais plus. Une question à 6 points. Alors, je sais qu'il y avait une revente de pins sur eBay qui était incroyable. J'ai mis j'aime sur Facebook. Ouais, je vais dire la presse, mais ça ne doit pas être ça. La presse, non. Alors là, c'est pour vous, hein. Là, GG, sans mort après, le briquet. Il a ouvert Jour de France pour se faire plaisir. Alors, l'origine de la fortune de Marcel Dassault, comment Marcel Dassault a-t-il fait fortune? Avec quoi? Avec les avions, ouais, j'aurais dit ça. Ouais. C'est pas par rapport à Saut 13, le film? Oui, avec les avions. Ouais. Les avions. Les avions. C'est correct. Ah, je savais. Oui, non, mais ça, c'est. Non, mais c'était. Oui, non, mais d'accord. Mais c'était tellement évident que je pensais qu'il y avait autre chose avant. Qui a peint? Oui, la Joconde de Vinci. Non, non, ce n'est pas ça. Et comment la Joconde de Vinci, d'ailleurs? Le plafond de l'Opéra de Paris. Qui a peint la chapelle Sixtine? Oh, oh, putain. Non, alors. Oh, alors non, attends, non, attends, GG. Attends, GG. Lors du ravalement de 1977. Ah. Ah. Voilà. Non, non, non. Alain Decaux. Pas la même chose. Non, à l'origine, bien Cash, sûr. Michelangelo. Amandalire. Deux points. Encore une tortue ninja. Qui est à l'origine? Voilà des références qui sont pour voilà, nous. Julien. Exactement. Voilà, pour nous. Julien Cyril. Voilà. De quoi? Les tortues ninja. Oui, les tortues ninja. Oui, bien sûr. Donatello, Michelangelo. Raffaello, Donatello. Et Maître Schneider. Et Maître Schneider. Exactement. C'est une question de génération. Il n'y en a pas un qui s'appelait Sodomitello? Si, mais il n'a pas pu le dire ce soir. Oh, quel enculé. Il travaille là. Et la fille, c'était Raval Lamoie. Qui est l'auteur de 1m40 la valise en carton de l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle? Darwin. Cash. Exactement. Ah, faut le dire. Et le prénom? Alors, Cash Darwin. Le prénom? Darwin. Charles Darwin. Voilà, et Darwin. Alors dernière voilà, question Darwin. Bah non, parce que excusez-moi, là, je vous consulte pas parce que faut qu'on finisse. Non, mais ouais, mais que n'avait pas de couilles. Oui. ABB. Alors que l'abbé Pierre, bah qu'est-ce qu'il n'avait pas de libido? L'ABP. Alors de l'ABB. À l'ABP, ils n'avaient pas de sans-plan 95 pendant deux semaines, sinon. L'ABB Bikella. La quoi? Bikella. Que n'avait pas ABB Bikella. Bah, elle avait pas de nationalité déjà. Aux Jeux Olympiques de 1960. Elle avait pas de honte. Elle avait pas de honte à s'appeler comme ça, peut-être. Elle avait pas elle de poils. Pas de alors, que n'avait pas. J'ai pas dit elle, je sais mais pas. Mais attends, si de raconter des conneries, on va pouvoir donner la bonne réponse. Alors, c'était une gymnaste, elle avait pas de poils aux couilles. ABB Bikella. C'est une femme, c'est un mec, hein? J'en ai absolument aucune idée. Voilà. Aux Jeux Olympiques de 1960. Est-ce qu'elle a mangé du chocolat? Pourquoi? Non. Non, bah elle a pas de bras là. Je suis très en forme. Oulala. Oui, mais ça te va bien. Alors une réponse. Hein? Il nous faut une réponse parce que là on doit rendre l'antenne. Elle avait pas de chance. Les barres parallèles. Elle n'avait pas de chance. Non. Pas de pied. Elle avait pas de pied. Elle avait pas de pied là pour. Elle avait pas de chaussures. Elle avait pas de chaussures. Elle avait pas de gosse. C'est pas en train d'aider. Toi, des fois derrière mon dos là. Pas de médaille. Elle avait pas de pied. Elle avait pas de chaussures là. Donc vous me dites qu'elle avait pas quoi? De chaussures. Eh bien c'est correct. Bravo. Ah. Donc, à l'issue de cette partie, je n'ai pas encore eu le temps de faire les totos, mais je sais que les moumoutes pour hommes, vous menez largement largement. Tu parles avec des questions à la con. C'est ça. Mais tout n'est pas perdu et tout n'est pas gagné, car l'émission n'est pas finie. Ce n'est pas fini. Tu fais bien la chèvre. Juste après cette courte pause, oui. Nous avons une nouvelle page d'actualité avec un deuxième flash très spécial. Ça vient de tomber, c'est une dépêche AFP. Voilà, et là, elle vient de tomber très bas. Restez avec nous. On revient avec l'équipe d'un apéro presque parfait. Ouais. Retour, on va se marrer. Bon, donc là, le Patrick Chanfray, juste avant, nous a dit fermez les yeux, pourquoi? Parce qu'on était à l'antenne. Quand la lumière est rouge, ça veut dire que là, on est à l'antenne. Voilà. Ouais. Quand elle n'est pas allumée, ça veut dire qu'on peut parler. Parce que juste avant. Non, mais parce que pourquoi? Parce que Patrick est timide, il ne veut pas le dire. Parce que juste avant, tu as dit à Davy, envoie la purée. Voilà, pour le jingle, bien sûr. Oui. Bon, puisque vous avez été sage, voici un deuxième flash très spécial. Bien fait pour. Spécial. Jean-Marie Le Pen, nous sommes surpris car il paraît qu'aujourd'hui vous voulez nous parler cinéma.

Ah oui. C'est comme ça que vous appelez la police, non? Et puis après les zouzous, ils avaient la zonzon sur non, non, c'est les buts dans les caves. Ah non, on connaissait pas, on avait Paul le pêcheur et Olivier Tom. Ah bah tu les embrasses. Ah oui, je suis toujours ami avec eux, quoi. Bon, alors c'est qui alors les coiffeurs pour dames, combien de séries diffusées sur la 5? Sur la 5 bon, vous prenez pas beaucoup de risques, hein, parce que. Moi j'ai dirais. Elles ont toutes été rediffusées, hein. Elles ont été rediffusées sur après sur M6. Moi, j'irais 3. C'est les titres en français. Alors 3. 4. Moi 5. Ah, bah attends, c'est d'abord 4. Alors 4. Est-ce que vous dites 4, mieux 5. 5. D'accord. Alors les moumoutes. Plus que 5. Oui, non, mille. Plus que 4. Ah, plus on a que... dit 5. Ils ont dit 5. Ah, vous avez dit 5. Ah, oui, oui. Ah donc c'est à nous. Oui. Est-ce que vous êtes capable de me citer plus que 5 séries diffusées sur la 5? Ah, attention, 5. On reste à 5. C'est notre comptable. Alors, 5, c'est pour vous. Donc, 5, Michael, alors, on attend tes réponses. C'était un jeu à, c'est, attention, c'est un jeu à 8 points. Mm-hmm. C'est un jeu, à enchères quand même. Un jeu à 8 points. Il me faut donc 5 séries qui ont été diffusées sur la 5. Je Allez. Vous écoute. L'amour du risque. L'amour du risque. Selon Gérard, hein. Je précise. Alors, parce ça que... s'appelait pas l'amour du risque, ça s'appelait Jonathan pour... et Jennifer. Jonathan voilà. Et Jennifer. Oui, une. Ah, il y était. L'homme qui tombe à pic. Deux. Hein Dynastie. Non, pas Dynastie. Non, Dynastie, non. Hein. Oui, non, non, mais non. Il y a eu. Avec, Amour, gloire et beauté, c'était France 2, ça c'est vrai. Non. C'est. Je sais pas, ouais, ce qui, pas ce qui me désole le plus, c'est que tu donnes des mauvaises réponses ou que tu connaisses ces titres de série. Alors vous êtes à sans deux. Avoir la télé. GG pour 8 alors, points. Moi j'en avais trouvé une. À laquelle l'amour du risque. J'avais trouvé l'amour du oui. risque. Oui. Ah, Chips. 3. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Attends, attends. Chips, Chips. La petite maison dans la prairie. La petite maison dans la prairie. Non. Non, c'est sur la 6. Non, non, j'ai la liste là. Et si Michael Knight là, K2000. K2000, ça fait combien? 4. 4. Il m'en manque une. Une et il y a 8 points. Supercopter. Et Supercopter. Ah oui, je l'ai oui, bien. Oui, oui. Eh bien, le contrat a été rempli. Oh là là là là. Bravo. Bravo. Alors, il y avait alors il y avait Riptide. Alors, oui. K2000. Il y a K2000, oui. Supercopter. Oui. Shérif, fais-moi peur. Oui. Est-ce qu'il y avait Tonnerre Mécanique? Oui. Oui, ah, Tonnerre Mécanique, ils l'ont avec oui. la moto. Ah, oui, oui, oui. Il y avait Arabesque. Ah oui, ah, Arabesque. Oui, j'ai bien fait cher. Ah, Arnold et Willy. Ah, ah. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Cosmos 99, ah, Galactica, Happy Days. Ah, ah. Et alors, Dynasty. T'aurais pu accorder le point parce qu'ils ont diffusé le spin-off de Dynasty qui s'appelait Dynasty 2, les Colby. Donc, dans quelques instants, pour les petits nouveaux qui ne sont jamais vus dans cette émission, sachez-le, il faut vous accrocher car Frédéric, ici présent, va nous le sortir. Ah oui, toutes les semaines. Depuis le temps qu'on attendait. Toutes les semaines, il le sort. Oui. Son quiz. Son petit quiz. Ah, pardon. Oui, voilà. Restez avec nous. Oui, c'est son nom. Voilà, il s'appelle comme ça. Et on l'embrasse. On revient juste après cette courte pause. Oui. Retour, on va se marrer avec une petite partie de l'équipe d'un apéro presque parfait. Ah, oui. Il nous manque les filles, les doublures. Oui, parce que le studio pouvait pas accueillir un tel staff. Mais c'est ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Dis tout de suite que tes collègues sont grosses. non, mais en plus, là, on a vraiment de la chance avec Cyril. Ouais. Tous les comédiens sont bons. Oui. J'ai rarement dit ça, tu vois. Ça oui, fait c'est vrai que, fois que... quand t'étais venu pour la partouze, tu nous avais dit qu'il y avait un gros qui était pas terrible. Exactement. Voilà, j'aurais pas dit tout ça. De... Ah, mais on n'a pas dit que c'était. Mais c'était pas toi, Fred. Je prends pas comme ça. Alors, c'est qui Et chacun non, mais... avait sa personnalité quand même. Non, mais c'est vrai. Il y a Anaïs, voilà. Sabrina, Vanina. Joe, Clément. Enfin, ils sont tous. Ils ont tous. Rémi, il y a Rémi Deval. Voilà, qu'on ne présente plus par cause de représailles. Ils ont précisé quand même à la base que c'était du lourd. Ils ont quand même une comédienne qui s'appelle Mortier. Hein. Je ne veux pas être méchant, je la connais pas. Elle travaille avec Bouygues. Bon, on va se marrer donc au théâtre d'Edgar. On vous le dit tout de suite. Hein, un apéro presque parfait. Puis on l'espère bientôt un peu partout en France. Allez liker leur page Facebook. Qu'est-ce que tu causes bien comme les Jones. C'est grave. Alors, c'est pour l'étranger qui cause. En attendant, comme chaque semaine, Frédéric nous a préparé un petit coup. Donc il y a 8 extraits de chansons. La pièce s'appelle comment déjà, Philippe? Un apéro presque parfait. Eh ben, c'est un quiz boisson. Véronique Sanson. C'est un. Renaud. Ah, Annie Girardot. c'est un quiz. Bon, ben voilà. Allez, on Jean-Louis Borloo. C'est un quiz donc sur la boisson. 8 extraits pour connaître les interprètes. Attention, il y a des groupes. Et le premier. Ah, bah oui, mais Bob est pas là. Alors, fais-le à GG. GG, le premier extrait. Anonymes. C'est le générique. Très bien, bravo GG. Alors on note et on regarde après. Je bois pour oublier mes années d'infortune et cette vie commune. Les copains m'appellent si rose et je ne comprends pas pourquoi. Je bois aux femmes qui ne m'ont pas aimé, aux enfants que je n'ai pas eu. C'est la Bérobic, elle n'agit même moelle de nique. C'est la Bérobic. Je suis sous ton balcon. C'est de la musique sous là où les parterres. Le vin me saoule, donne-moi la main. Mes bras s'enroulent autour de tes reins. Allez, viens, prends des coups à la maison. Ah! Ah, il est pas mal ce petit quiz. Ouais. Hein. Ah, il est pas mal, il est pas mal. Ah, il y a un peu d'intello, il y a un peu de moins intello. Ouais. Il y a ta discothèque personnelle. Ah bah c'est que de. Il y a surtout, il y a surtout de la discothèque. Ah, il y a deux extraits, c'est les disques à moi. Hein. Patrick, oui. T'en as combien sur 8? Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive pas à les compter, je pense. 1, 2. je suis né en 1985, ouais. Désolé, mais là j'en ai 3. Tu sais pas, tu dis 3, 3. Pas mal. 3. Bah on fait comme Maurice. Ah bah oui, on le décompose. On le décompose. Allez Cyril, fais-toi plaisir. Le premier. Sans hésitation, je dirais Aznavour. Oui. Ah, voilà. Référence pour ma mère. Ah. Alors ça, c'est extrait de ma discothèque personnelle. Alors ça, j'ai adoré. Alors j'ai mis malencontreusement, sans faire exprès, mon stylo a glissé une fois. Bon, vite, l'extrait dure de. J'ai mis Annie Cordy, mais pas. Mais du oui, tout. C'est Annie Cordy. Oh, fabuleux. Oui, moi je sais. Les garçons, vous savez ou pas? Moyennement. Enfin, mes yeux étaient remplis de larmes et du coup, j'ai pas pu. C'est Serge je pense ça. Moi, j'ai essayé de tricher bravo, sur la feuille de Patrick et non. Tu l'avais? J'avais marqué Boulou. Non, c'était Rémi. Et Charlot? Ah ben oui. Ah, une, alors là, que je dédicace à mon papa. En vrai de vrai. Ah. Oui. Sûr. Vas-y. Marie-Christine. Oui, non, et c'est l'auteur. C'est le titre de la chanson. Ouais, mais je peux pas trop l'entendre. Claude Nougaro. Claude Nougaro. Moi j'ai connu deux trois notes. Alors, ça, Patrick. Alors, la 6, non. C'est la 6, c'est celle-ci. Oui. François Hardy. Nicolas Perrac. Nicolas Perrac. Ah, oui. Une tuerie. Voilà. Je connaissais la voix, mais j'avais exactement. Pas qui a fait un très joli nouvel album, je vous le conseille. Licence 4. Alors ça tu connais. Exactement. Alors ça. Ah là là. C'est génial, c'est de l'amour, c'est génial. La bande à Basile, elle avait pas fait ça. C'est on se mettra un doigt dans le cul. Non, ça c'est Muse. Non, ce qu'il faut vous dire quand même, c'est que Frédéric, ici présent, est fan de... De Patrick Sébastien. Patrick Sébastien. Oh, c'est génial. C'est de l'amour. Alors... c'est ce qu'on m'a chanté pour que je demande quand même qu'on applaudisse nos deux invités qui ont été brillants, hein, parce que comment? Non. Parce que parfois... Hey. Ah oui. Et j'ai oublié les acclamations. Ah j'ai oublié les acclamations de Don Salus, alias Frédéric Coster. Quand même. Bravo. Viva Don Salus. Alors là, je dois vous dire une chose. Oui. Don, il m'acclamait pas. Ah bon? Il m'acclamait pas. Si, parce que justement, là, les moumoutes pour hommes et les coiffeuses pour dames sont à 12 égalité. Partout. Donc il faut une épreuve pour vous départager. Voilà, une course à pied. Et moi je propose quand même une épreuve simple, GG, parce que t'en penses à ni oui ni non. Oui, mon co- Eh bien, c'est perdu. Les moumous de Bourhomme ont gagné. Parce qu'à chaque fois c'est nous. Pourquoi c'est pas eux? Bon, écoute, GG, je pense qu'on s'est quand même bien marré avec Patrick. Tant pis. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Et avec Cyril, le oui. charmant jeune oui. centre. Donc au théâtre d'Edgar, 58 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e. Métro. Métro Edgar Quinet ou Montparnasse. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur leur page Facebook, la page d'un apéro presque parfait pour les liker. Likez-nous. Likez-les, likez-les, bah, hein. Oui. Et tous les comédiens, parce que franchement, oui. là on est vraiment en petit. Bah là, alors Anaïs Monnier. Mais non mais moi je vais aller vous liker mes petits canards, les canards likés. Oh là là. Oh c'est fin que c'est fin. Alors on va reciter vos petits partenaires, vos petits camarades. Anaïs Monnier, Sabrina Mortier, Vanina Arias dans le rôle de Charlotte, Rémi Deval. Impressionnant. Clément Parmentier. Fabuleux. Et Joe Brami. Exactement. Qui sont donc tous vos partenaires sur cette pièce. Parfois, il vaut mieux ne pas retrouver ses vieux amis. C'est ce que dit le slogan de la pièce. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous au Théâtre d'Edgar à Paris. On vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo Cyril. Bravo Patrick. Bravo. Merci donc à Patrick Chanfray. Merci à vous. Merci à vous. Et à Cyril Rosic. Merci. Qui salue tout Marseille de notre tout Marseille, part. Marseille, si je peux faire une dédicace, si c'est possible. Alors je dédicace ce spectacle et cette radio à toute ma famille, ainsi qu'à mes amis qui sont avec moi sur Paris, à Luspin, à Mantes et à Faina. Voilà. Et je remercie. Moi, je voudrais juste dire que je vends une 205. Voilà. Et dis donc. Merci. Comment il va Guérini à Marseille? Mais Guérini se guérit, hein. Alors l'émission, je vous le rappelle, c'est sur iTunes pour les podcasts. On va se marrer.com pour les anciennes émissions. Et puis sur la page Facebook de l'émission pour réécouter les anciennes blagues de Maurice. Est-ce qu'on peut aller liker la page? On peut liker la page. Allez-y, likez la page, on va se marrer. Merci de votre patience et de votre fidélité. À la semaine prochaine. Merci.